El Godomizator. Juliette Disson. École maternelle, les Lapinous. Les filles, j'aime pas ça. Et toi, je t'aime pas non plus. T'es méchante et t'es pas belle. Pour la cinquième fois de la matinée, Michael, 5 ans et demi, me braille à l'oreille qu'il va tout dire à sa mère si je ne lâche pas le petit pirate en plastique avec lequel je joue tranquillement. Rapide coup d'œil sur l'objet du délit avant de fixer son petit visage fripé de colère. Quelques secondes plus tard, Michael, 5 ans et demi, un Playmobil enfoncé dans la narine, hurle qu'en plus de le dire à sa mère, son père va me flanquer en prison. Normal, il est employé pénitentiaire. Quand je lui réponds que mon boucher charcutier de père va transformer le sien en chair à pâté, il charge et nous roulons sur le puzzle en mousse. La maîtresse met fin à ce corps à corps endiablé. Dommage, j'étais en passe de lui enfoncer un coffret au trésor dans la seconde narine. Nous finissons isolés, dans deux coins opposés de la classe, à nous jeter des regards noirs et des vulgarités entendues dans la bouche des adultes. Collège des Primes Verts, 7 ans plus tard. Alors, tronche de ragondin, on s'est fait plaquer, il avait peur d'y perdre un bout de lèvre ou quoi ? C'est le défaut des petites villes. Les années scolaires se suivent et se ressemblent. Les mêmes têtes de cons nous poursuivent jusqu'à l'écœurement. La mâchoire crispée, j'attends que Vermine première ait fini sa petite scène devant mes copines. Gênée, celle-ci évite de fixer mon appareil dentaire ainsi que le recoin où mon ex et sa nouvelle nana procèdent à un échange d'amygdales. Je ne sais pas ce qu'il y avait de pire. Que les râteaux me collent aux converses comme une moule à son rocher ou que face de lombric l'ait parfaitement compris et s'en serve pour m'humilier. Je le connais par cœur. La plupart de ses vieilles cicatrices s'emboîtent parfaitement avec mes dents. Michael se sait désormais intouchable et moi j'ai déjà pris 2 rappels sur mon cahier de correspondance à cause de ses conneries. Au troisième, c'est l'exclusion. Au début, on nous punissait à égalité. Il m'emmerdait, je cognais. Mais les choses ont changé à l'entrée au collège. Pendant l'été, j'ai poussé comme un champignon. Aujourd'hui, je peux voir le sommet de son crâne et m'en servir comme table basse, c'est dire. De toute façon, il a bien intégré le changement. Ses vacheries sont devenues plus vicieuses, comme me chercher des poux à proximité d'un adulte. Grâce à cette technique, mes hurlements ou mes prises de catch se chargent de renvoyer une information totalement biaisée des faits. Que ce soit son obstination à soulever ma jupe durant la récré, son besoin pathologique de glisser ses doigts dans mon jogging pour le descendre d'un coup en cours de gym ou de dégrafer mon soutif en pleine interro de maths, rien ne semble avoir d'importance pour le corps enseignant qui qualifie ça de simple enfantillage. Je suis plus grande et forcément plus forte que lui. En plus, je me développe. On m'a bien fait comprendre que j'étais responsable de ces... attention. Et toi, ta langue toujours pucelle ? Visiblement, j'ai visé juste. Les gloussements des copines ajoutés à son expression renfrognée font germer une très vilaine idée. En quittant le dernier cours de la matinée, je profite de la bousculade vers la sortie et agrippe son sac à dos pour l'entraîner à l'opposé de la cantine. J'aurais pu trouver un coin plus tranquille pour accomplir mon forfait, mais j'ai besoin de témoins. J'ai des palpitations et les mains super glissantes. Trop pour maintenir ma proie en place. Autant en finir. Tout sourire, je le plaque contre le mur et devant mes camarades ébahis, je fonds sur sa bouche comme sur une agendas à la morve. Je le sens vaguement se débattre, puis mollir. Ma langue force ses lèvres et s'enfonce, violant son palais au passage avant de lui laisser 1 litre de bave en partant. Même si les sensations n'étaient pas passionnantes, j'éprouve une violente satisfaction. Je lui ai pourri son premier baiser. Alors, bouffon, ça fait quoi d'avoir raté ta première pelle ? 2e année de fac. Aïe, c'est le verre de trop. Celui qui transforme systématiquement la nana guillerette en éponge pathétique. Souriant bravement à mon bourreau, je porte l'alcool à mes lèvres sans les desserrer. Satisfait, il se désintéresse de mon verre, toujours plein, pour remettre une dose dans celui de ma voisine. Nous fêtons la fin des examens chez un camarade de classe. Sans avoir les résultats, nous savons déjà qui a obtenu le DUG et qui a échoué. La pression se relâchant, il est temps de nous amuser un peu. D'ailleurs, en voyant comment ça se frotte dans certains coins sombres, je devine des rapprochements déjà bien avancés. Cela dit, je ne suis pas là pour autre chose. Dans mon viseur, il y a une cible armée d'abdos à croquer. Ce soir, c'est ma dernière chance de lui sauter dessus avant les vacances. Peu importe que son meilleur pote soit une vieille connaissance, peu importe que cette vieille connaissance ait fini par atteindre une taille tout à fait honorable pour un joueur de rugby, me retirant ainsi l'avantage accordé par la nature. Apercevant une place libre près de ma target, prénommée David, je bondis pour mieux m'écraser contre un mur surgi de nulle part. Fais chier ! Probable référence au gobelet plein d'alcool écrasé entre nous. Il en a plein les vêtements. Ma seconde victime grogne. Le visage et le torse éclaboussés. Je soupire. Il fallait que ce soit ces deux-là. Oh, ça va les gars, on va réparer ça en deux coups de langue. L'alcool, best friend ever. C'est une blague, par contre ça va coller, il faut nettoyer ça tout de suite. La sensation de mes fringues poisseuses est assez désagréable. Sans attendre leur réponse, je pars à la recherche d'une salle de bain, arrêtant mon choix sur une suite parentale au bout du couloir. La chambre est spacieuse et vide, ce qui me surprend quelque peu, vu les frottis-frottas entreaperçus dans le séjour et la cuisine. Tant mieux, j'ai besoin de reprendre pied. Un léger mal de crâne s'est pointé dès l'instant où une bonne âme a monté le son d'un vieux « skip the use ». Je m'étire et profite de cet instant de solitude pour retirer mon haut et vérifier son état. Un regard supplémentaire vers mon soutien-gorge m'informe de l'étendue des dégâts. Autant tout nettoyer d'un coup. Les deux vêtements à la main, je finis par pénétrer dans la petite salle d'eau attenante. Quelle idiote ! J'aurais dû attraper David par le col et le traîner ici. J'imagine les scènes de cul débridé entre le lavabo et la douche tout en rinçant mes fringues. Dans mon dos, un bruit étouffé attire mon attention. Lorsque je relève les yeux de ma tâche, le miroir me renvoie trois visages stupéfaits. Le mien et le leur. Finalement, ils m'ont suivi. Avec un couinement, je plaque le t-shirt dégoulinant sur ma poitrine. Moment de gêne. On se regarde sans trop savoir quoi dire. L'espace est exigu. Nous avons à peine la place de bouger sans nous toucher. Je déglutis. L'ambiance se réchauffe violemment, à moins que ce soit mes joues brûlantes. Quelque chose dans l'air m'incite à croire que tout peut arriver, même s'il y en a un de trop dans l'équation. Pourtant, je ne bronche pas en voyant celui-ci rabattre la porte. Pour être honnête, je ressens même une pointe d'excitation en les regardant ôter leurs t-shirts trempés pour participer au grand nettoyage. J'essore le mien et le remets en grimaçant. Mes seins tendent tellement le tissu qu'il serait dommage de ne pas profiter du spectacle. Ils ne s'en privent pas. C'est étrange. Après tant d'années de coups bas, je redécouvre le garçon. Il n'y a plus ni morgue ni hostilité sur le visage de Michael. À croire qu'il suffisait d'un concours de t-shirts mouillés pour enterrer la hache de guerre. Des gloussements en approche rompent le charme. David a le réflexe d'éteindre la lumière après nous avoir signifié le silence. Ce soir, à défaut d'être acteur, il se pourrait que nous soyons mateurs. L'œil vissé dans l'entrebâillement de la porte, je vois arriver un nouveau trio identique au nôtre. S'il a l'idée de participer à une douche collective, on risque de rencontrer un sérieux problème de place. Derrière moi, deux corps chauds se pressent. Ce peau contre peau provoque de petits séismes côté sud. « Oh putain, c'est l'autre !» chuchote David juste au-dessus de ma tête. « L'autre ?» J'observe les nouveaux venus et devine de qui il parle. Plus âgé que nous, le type s'est sûrement incrusté par le biais d'une indiscrétion, à moins que le gars avec lequel il partage le coup d'Amélie ne l'ait invité. Professeur d'un cours magistral en droit, Il est connu de toute la fac grâce à un surnom devenu légendaire, El Godomisator. Pas une soirée étudiante sans que circule un récit sur ses exploits. C'est un peu la légende urbaine des petites culottes. Ce type aurait le don de foutre dans son lit les spécimens les plus sexy, masculins comme féminins. Autant dire qu'il y a peu de risque que je m'en approche un jour. De toute façon, ce n'est pas prévu dans mon plan de carrière, et je ne comprends pas ce qu'on peut lui trouver. L'homme est quelconque, plus proche de la chèvre que de la bombe sexuelle, bien que sa voix grave fasse résonner certains organes sous-exploités. Le trio a l'air de bien se connaître. Les deux étudiants se sont allongés sur le lit, l'un à côté de l'autre, continuant à se lécher les lèvres et le cou, sous l'œil bienveillant du professeur. Les gestes sont assurés et suivent les directives de leur maître. Pose la main sur sa chatte. Non, ne la fouille pas tout de suite. Sens juste le bomber de la vulve. Oui, c'est ça. Anticipe le plaisir que tu auras à y enfouir les doigts. Un allaitement récompense l'obéissance. Chérie, écarte les cuisses. Laisse-le te toucher jusqu'au bout. Non, mon garçon, tu n'as pas encore l'autorisation de passer la douane. Frotte tes doigts le long de sa chatte. Non, non, pas trop vite. Là, c'est mieux. Apprécie comme elle mouille à travers la dentelle. Maintenant, va jusqu'à l'anus et titille-le. J'imagine d'ici son petit trou qui se fronce d'impatience. De la position où je me trouve, je ne vois pas grand-chose. Mais l'alcool dans mon sang, les images que ces mots fabriquent et les bruits de plaisir s'échappant de la gorge de la fille ont un effet dévastateur sur mon corps. Je mouille autant que si cette main caressante était postée entre mes jambes. Je ne suis pas la seule à qui cela fait de l'effet. Derrière moi, les souffles sont plus hachés et une bosse significative se presse contre mes fesses. Je décèle même des claquements sourds, caractéristiques d'un pantalon qu'on déboutonne. Ainsi, Michael se met à l'aise. Qui aurait cru qu'une telle idée m'excite un jour ? Dans la chambre, les acteurs poursuivent la scène. Je deviens presque liquide en observant le poignet du garçon s'activer vigoureusement entre les cuisses de sa partenaire. L'humidité manifeste de la fille manque de me faire jouir une première fois. Oh bon sang ! Il la baise tout habillée et ça a l'air vraiment délicieux. J'ai envie de l'encourager d'un « plus vite » ou d'un « plus fort ». Mais je ne voudrais pas que la fille jouisse trop facilement. Je suis persuadée que le professeur va l'obliger à mériter son orgasme. Stop ! L'ordre ne surprend pas les joueurs, mais il a eu le don de bloquer les respirations de notre côté de la porte. Moins vite, tu vas irriter sa petite chatte avec la dentelle. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois ? La dernière fois ? On ménage sa monture pour la chevaucher plus longtemps. Regarde sa vulve, elle est toute rouge. Retire-lui sa culotte et fais-toi pardonner, mon garçon. Le garçon en question marmonne un « pardon ». S'exécute en jetant au loin la barrière de tissu, puis se place à quatre pattes entre les cuisses écartées. Je mesure son impatience à sa façon de se lécher les lèvres. Il le fait de façon si gourmande que j'envie Amélie d'avoir une langue enthousiaste à sa disposition. Au signal de son maître, l'étudiant plonge vers sa destination et lape l'entrejambe avec application. Très bien. Mêle ta salive à sa mouille. Rends-la moite. Lubrifie ce petit abricot avec ta langue. Admire comme il est juteux. Je suis à deux doigts de sortir pour l'implorer de me faire la même chose, lorsqu'une main s'insinue entre mes fesses et l'érection qui les caresse, puis déboutonne le jean qui l'emprisonne. Dans le noir, les sensations sont décuplées. Privée de la vue et émoustillée par la voix du prof, je ne peux qu'imaginer la beauté de ce sexe au gland rosé. Un léger déplacement d'air sur ma droite, accompagné d'un souffle contre ma joue, m'informe d'une nouvelle entrée en scène. D'instinct, je tourne le visage vers Michael et rencontre sa bouche. Son baiser est vorace, lent, profond. S'il baise comme il embrasse, je vais passer des journées entières au pieu avec mon pire ennemi. Une main se pose sur mon ventre, attendant peut-être que je lui délivre le feu vert. J'ondule contre la queue tendue pour l'inviter plus ouvertement. La main se glisse dans l'élastique de ma jupe et descend directement dans ma culotte. J'écarte les jambes pour lui laisser l'accès libre. Rapidement frustré par l'étroitesse de mon sous-vêtement, David me propose de l'enlever. J'émets un couinement d'assentiment et l'aide à m'en débarrasser. Je suis tellement humide que les doigts coulissent sans peine le long de ma fente, s'accordant sur le rythme des coups de langue de notre acteur principal. J'aime cette synchronisation. Ça me donne l'impression de recevoir les mêmes attentions que la brunette. David joue de mon instrument avec maestria, m'amenant au seuil de la jouissance sans m'y laisser plonger tout à fait, me faisant halter et gémir de plus en plus bruyamment. Peu importe, le son est étouffé par la bouche de Michael, toujours soudée et dévorante, aussi experte dans l'art de faire imploser mes fonctions cognitives que la main de David qui carbonise mes terminaisons nerveuses. Un instant, je me demande s'ils ne se sont pas tous mis d'accord pour me faire crever de plaisir. Voix, doigts, langue, bites prometteuses. Le besoin physique s'accentue. Je ne me suis jamais sentie aussi affamée, avide, exigeante de toute ma minuscule expérience. Je finis par lever une cuisse pour que les doigts me pénètrent profondément. Soudain, les deux m'abandonnent et reculent, me laissant seule, vide et déboussolée. Un nouveau « stop » retentit dans la pièce d'à côté, venant détourner ma détresse de ses responsables. « Tu as failli céder à la facilité, mon garçon. Vois ces seins qui implorent d'être utilisés. Oui, c'est exactement ce que tu dois faire. Aime-les aussi bien que tu as léché sa chatte. Suce-les jusqu'à les faire pleurer de plaisir. Oui, comme ça. Aspire ses tétons et laisse-moi m'occuper de toi pendant ce temps-là. » L'homme a de nouveau toute mon attention. Il se penche sur son étudiant et lui entoure la taille de ses bras. Il lui défait sa ceinture. La sort dépassant et claque la fesse du garçon avec le cuir en lui intimant de s'appliquer. Puis il lui ouvre la braguette, descend son pantalon sur les genoux et empoigne une bite diablement tentante. Il me faut une queue, vite. Entendu par les dieux de la luxure, je perçois le retour de mes compagnons à mes côtés. L'un d'eux me saisit la main, la pose sur une queue parfaitement raide et chaude. Enfin! Je remonte les doigts sur le membre qui palpite, rencontre un bourrelet de latex près de la base et comprends. Ils se sont équipés. Ce soir, je vais baiser avec le gars qui me fait mouiller et celui qui, plus jeune, me rendait folle de rage. David revient se placer derrière moi et m'incite d'un murmure à tendre la croupe vers l'arrière. Je me fais l'effet d'une soubrette prête à se faire sauter dans un placard, pendant que ses patrons s'envoient en l'air dans la chambre ducale. Son gland entre d'un coup, aspiré par mon vagin en manque. Un vieux réflexe m'empêche de brailler mon plaisir et d'alerter ainsi nos acteurs. Je ferme les yeux à l'instant où l'étudiant pénètre enfin sa copine. C'est elle qui se charge de gémir pour nous deux. Les mains agrippées à mes hanches, David me lime sec, m'obligeant à lâcher la queue de Michael. Pour garder ma prise et ne pas être entraînée par les coups de boutoir, je me penche sur l'encadrement de la porte. Manquerait plus que j'aille m'étaler sur le dos de l'étudiant. Des doigts attrapent mon menton, m'invitant à me tourner vers un sexe tendu. J'accepte avec plaisir la diversion et j'enfourne le sexe dans ma bouche en faisant tourner ma langue autour du gland. Je le gobe aussi loin que je peux, investi d'une mission toute neuve. Lui donner tant de plaisir qu'il ne puisse plus jamais me détester. Pourquoi je pense tant à lui alors que le mec de mes rêves est en train de me baiser avec ardeur? Parce que c'est la bite de Michael que je veux. À travers David, ça a toujours été l'autre que je voyais. À ce point de masochisme, je me dis qu'il est temps de consulter. Un cri de douleur détourne mon attention de cette sombre révélation. Du coin de l'œil, je vois les fesses nues du professeur ruer entre les reins de son étudiant. Mazette ! Il ramone le garçon à la cadence d'un métronome sous acide. Putain, il va le défoncer. Elle godomise à tort dans ses œuvres. Michael sort sa queue de ma bouche et propose à son comparse d'inverser leur position. J'ai envie d'un truc fou et me redresse pour leur parler à l'oreille. Un par devant, un par derrière. Oh merde, oui. Vote unanime du jury. Nous laissons El Godomisator à ses jouets pour mieux apprécier nos propres jeux. David me soulève par la taille pendant que Michael se glisse entre mes cuisses. Entre d'abord, mec, l'invite David. C'est étrange, le ton employé sonne comme un acte symbolique, comme si David avait ouvert la voie à Michael, comme s'il l'avait aidé à s'approcher suffisamment pour que je ne puisse plus le repousser. Forte de cette conviction, je savoure la pénétration bien plus douce de Michael, plus profonde aussi. J'en hoquette de plaisir et me blottis dans ses bras. C'est bon, c'est tellement bon. Ça a lavré presque des années de rancœur. Ces va-et-vient me poussent à m'ouvrir encore plus, à en accepter davantage. Les prémices de l'orgasme resserrent ma prise sur son sexe. À peine David a-t-il forcé mon petit trou que je jouis. Je jouis et je ris, tant les sensations me surprennent. Lorsque la porte de la salle d'eau s'ouvre quelques minutes plus tard, notre trio est toujours soudé et haletant. Après tout, nous étions les premiers dans la place. Les autres le comprennent, aussi sûrement qu'ils savent que tout ce qui s'est passé dans cette suite y restera. Quelques jours plus tard. Bien, dernier carton et ce sera bon. Je vérifie la fermeture du coffre de ma voiture, avant de remonter vers ma chambre d'étudiante. Quelle année incroyable ! J'ai eu mon examen, reçu le plus bel orgasme de ma vie et m'apprête à intégrer les rangs grassement payés des moniteurs d'un club de sport. J'ai tout de même une petite boule au goût de nostalgie dans la gorge. Peut-être la fin d'un cycle ? Posée sur le sol, juste devant ma porte de chambre, grande ouverte, un petit paquet attire mon attention. Mon prénom est inscrit dessus. Je l'ouvre et découvre un morceau de papier doté d'un message mystérieux. Pardonnez ? Je m'en saisis et trouve un numéro de téléphone au dos. Lorsque mes yeux tombent de nouveau sur l'intérieur de la boîte, son contenu me fait sourire. Un petit pirate en plastique me tend les bras pour que je le garde.